J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, bon Dieu. Tu te rends pas compte que ça vient? Et plus ça vient, plus je m'aperçois que j'ai pas eu ma ration d'imprévue. Et j'en redemande. T'entends? J'en redemande. Ah! La vodka! Y'a que la galère qui soude, des gares et t'as la matière qui saoule. J'voudrais me barrer mais j'suis en manque de veine. Car quelqu'un mec qui soupe, j'écris dans ma brochure. La voix c'est une gueule parce qu'il y a trop de vacarme. J'crois plus en vos légendes car les seuls mythes se trouvent dans nos placards. J'vais des gauches droites chaque soir, c'est Gotham City. Ça colle pas la grosse patte, mais moi accroche pas si j'tise. Les derniers sentiments que j'ai éprouvés vont vers le rap. Y'a plus qu'un pétoman qui peut trouver la perle rare. C'est l'actu des médias qui fait monter d'un seul coup le mercure. Le monde est dans le vaudra, la mort fera toujours la couverture. Et j'cours perdu, j'me sens la truite devant des gums en costard. J'suis égaré, tout ce qui mène la danse toujours c'est le Gangnam Style. T'aimes à tous ces jeunes ivres morts que tous les flics remords. Quand j'dis que je mors, tu me dis vas-y casse-toi, toi et tes mille remords. J'vais voyager ma rage sur YouTube et sans clou. D'un alcoolique, c'est comme une meuf pour un suçon. J'aime quand ça paye son coup. J'ai pas ma place dans ce merdier, y'a tellement de buts, faut se méfier. Comme la sigle Vuitton ce soir sur le mic au niveau élevé. J'suis pas dans mon assiette, mais à la tête devant un paquet de pâtes. Au fait, quand j'dis qu'en bas ça vaut la quête, j'te raconte pas des cracks, trop de dispo. Tellement de soucis, normal qu'on dise trop. Soirée au bistrot, plus déprimante qu'à son dos. En France, tu trimes pendant 30 ans et ça te laisse de gros cernes. L'état te pisse dessus et puis te jette comme un test de grossesse. Dans ce soir de décembre, au sourd de sens, des foules de gens sont carpettes. Beaucoup se descendent, nos cons se détendent, nos coupes des samples au scalpel. Un peu de démence, ma gueule dérange, je creuse mon trou dans ce cratère. J'ai peur de mes robes, la haine se répand, les gens ne se prennent le vent scarfesse. Ma tête de flanche en manque de chance, je rappe et je chante mon calvaire. Personne ne s'entend, des mecs ne s'en mangent, la haine ne s'enclenche en quatre verres. On laisse que descendre, des flaques de sang, les drogues se vendent dans le cartel. Les flics se bloquent, ça sent la descente et nos rêves s'envolent comme Clark Kent. Tellement pas d'une manger un grec, c'est trop d'honneur. J'ai pas de ticket avec les meufs et encore moins avec les contrôleurs. Je me barrer en Pologne, la merde c'est Paris en colloque. Quand je fais mon trou, je tombe sur un os, j'aurais mieux fait d'être paléontologue. La gueule est un refuge, c'est bien la carapace des pauvres. Je trouvais ma carcasse sur une des plages de Palavas. Les flots pour mon futur ça craint, donc dans ma tête sonne à l'alarme. Tellement flémarque dans le creux de ma main, j'ai plus un poil mais la coupe à la lame.